passé un très bel après-midi avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Vacarme, avec votre magazine L'Illustré. En nouvelle diffusion. 6, 5, 4. Jean Leclerc 3, et Frédéric Pfeiffer 2, vous proposent 1, Histoire vivante. 0. En 1953, 16 ans avant Neil Armstrong, Tintin a marché sur la Lune. Le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Les mots que prononce Tintin, ça y est, quand il pose le pied sur la Lune, j'ai fait quelques pas, sont à deux, trois détails près. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, ce qu'Armstrong emploiera. On a marché sur la Lune. Cette semaine, la conquête. Peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, XFLR6, Mercury, Gemini et autres Apollo. Pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. Quelques histoires de Lune. Allô, allô. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. Ici la Terre. L'objectif Lune, et on a marché sur la Lune, on fait naître des vocations. J'appelle fusée lunaire. De scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes. Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel. Nous sommes en compagnie, aujourd'hui encore, de Benoît Peters pour poursuivre notre exploration et nos questions innombrables autour des deux albums de la Lune, Objectif Lune, On a marché sur la Lune. Ils sont écrits dans une période, en gros, autour au début des années 50, même si, on va avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler, le deuxième album, On a marché sur la Lune, tardera quelque peu, avec toutes les craintes que l'on peut imaginer, à paraître. Hergé, comme qui dirait, quelques pannes multiples qui sont notamment liées à l'épuisement, à la fatigue. Avant d'arriver à ces questions-là, on évoquait hier avec vous, Benoît Peters, les personnes qui se sont constituées pour la construction de cet album. Il y en a un qu'il faut probablement citer, c'est Albert Weinberg, qui produira après le futur et célèbre également Dan Cooper. Quel rôle joue-t-il, lui, dans cette nouvelle équipe? Conseiller, c'est un proposant, j'aurais envie de dire, quelqu'un qui sollicite Hergé en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous propose ça, je vous mets ça à disposition, qu'en pensez-vous ?» Pendant longtemps, Hergé a travaillé tout seul, jusqu'à la guerre, grosso modo, il travaille tout seul. Puis, il va avoir cette rencontre très marquante avec Jacobs. Et avec Jacobs, il trouve un collaborateur polyvalent. Un homme de culture, un dessinateur brillant, un coloriste remarquable, quelqu'un qui peut prendre la pose, puisque c'est aussi un acteur. Et quand Jacobs lâche Hergé en 47, Hergé qui déjà va pas trop bien est déboussolé parce qu'il a perdu un complice. Alors un complice qui est pas tout à fait un alter ego. C'est aussi pour ça que Jacobs s'en va, parce qu'il sent très bien qu'il restera toujours le second. Quand Hergé se retrouve seul, c'est pas par hasard qu'il a ses grandes dépressions et ses grandes pannes dans les années 47, 48, 49, qui fuit, qui retape comme il peut Tintin au pays de l'or noir, puis qu'il replonge dans la dépression, qu'il doute même de pouvoir faire une nouvelle aventure de Tintin. Donc l'équipe des éditions du Lombard, Raymond Leblanc et les gens autour d'Hergé lui disent « Mais tu ne peux pas laisser en plan un journal qui s'appelle Tintin. » Ça, c'est quand même assez fondamental. Raymond Leblanc a sorti Hergé de la mouise en lui permettant de revenir au premier plan, d'avoir un journal dont il est le centre. Et qu'est-ce que c'est que le journal Tintin dans la fin des années 40 sans Tintin? On a beau aller chercher des Josettes et des Quick et Flup que dans les tiroirs, c'est pas la même chose. Donc Hergé comprend qu'il lui faut désormais être aidé, mais ne plus être aidé par un seul. Il ne retrouvera pas un autre Jacobs. Un créateur de ce niveau-là voudra toujours voler de ses propres ailes. Donc Hergé va chercher à former des assistants graphiques, et puis il a besoin aussi de gens avec qui parler, avec qui discuter. Effectivement, c'est ce rôle longtemps méconnu que Albert Weinberg a joué à côté notamment de Bob Demore, qui restera un fidèle complice pour tout ce qui est traitement des décors. Et Dieu sait si dans un album comme Objectif Lune et On a marché sur la Lune, les décors doivent être tracés avec une précision qui n'est pas au cœur du dessin d'Hergé. Le cœur du dessin d'Hergé, ça reste une forme de liberté, de désinvolture graphique, d'humour, de drôlerie, c'est ça le cœur. Donc, un complice du côté du dessin. Et Weinberg, on le sait aujourd'hui, est par exemple celui qui propose le personnage de l'ingénieur Wolf. Le capitaine Haddock, je suppose. Il muscutait. Je me présente, Frank Wolf, ingénieur adjoint au professeur Tournesol. Enchanté, monsieur Wolf. Un personnage assez différent des figures que l'on rencontre dans Tintin. On a dit quelquefois que Wolf ressemblait plus à un personnage de Graham Greene, un personnage torturé, qu'à un personnage d'Hergé. Il n'a pas d'ailleurs de fantaisie. C'est un personnage marqué par la culpabilité, une addiction secrète au jeu, etc. Il y a 3 ans, je travaillais en Amérique, à l'usine atomique de White Sands. Et rien ne serait arrivé si je n'avais pas eu la passion du jeu. Je me suis endetté et un jour, à New York, un homme m'a abordé. Il connaissait ma situation et était prêt à payer mes dettes. Contre quoi ? Je devais lui donner quelques renseignements anodins sur les expériences nucléaires auxquelles je participais. Malheureux ! Et j'ai eu la faiblesse d'accepter. Je suis un misérable ! Je suis un misérable ! Et donc, je crois que Weinberg, qui est un passionné de technique, passionné d'aviation, comme il le prouvera par la suite, débrouille aussi pour Hergé certaines matières scientifiques, prolonge des recherches, puisqu'il faut bien voir que à chaque page de cette histoire se posent de nouvelles difficultés techniques. Il faut représenter des ordinateurs, alors que personne n'utilise d'ordinateur à l'époque. Il faut représenter une usine atomique, donc Hergé va voir des lieux, mais je pense que Weinberg l'a aidé. Voici par exemple ce que Weinberg proposait pour la fin de la planche 1 et la planche 2 d'Objectif Lune. Tintin remarque alors qu'ils n'ont pas encore aperçu Tournesol. Quelques appels restent sans réponse. Nestor signale que Tournesol ne s'est plus montré. Tintin et le capitaine décident de se rendre à l'étage. Tournesol y a son logement, mais arrivé sur le palier, Milou grogne. Devant la porte, il gronde et semble pris de peur. Tintin et le capitaine, très inquiets, se tiennent sur le qui-vive. Tintin ouvre la porte et Milou se précipite dans la chambre en aboyant. C'est le chat qui se trouve à l'intérieur et qui va se percher sur un meuble. Tournesol n'est pas là. Soudain, Tintin hèle le capitaine. Il vient de trouver une lettre qui lui est adressée ainsi qu'à Haddock. Dès les premières lignes, Tintin sursaute. Tournesol est parti en Sildavie. Pourquoi ? Question sans réponse, car Tournesol n'explique pas son départ. Au même instant, sonnerie de téléphone. Tintin décroche, on demande Tournesol. Tintin répond qu'il est parti. Il se ravise aussitôt, voulant connaître l'identité de son interlocuteur, mais l'inconnu raccroche brusquement. Une heure plus tard, Nestor entre, annonçant un visiteur qui voudrait voir Tournesol. Tintin y va. Albert Weinberg, note envoyée à Hergé en avril 1950. Il est possible que ce soit Weinberg qui ait mis dans les mains d'Hergé le livre qui venait tout juste de paraître, l'Astronautique, de Alexandre Adanoff, un savant français important de l'époque. Hergé lit aussitôt le livre qui paraît au moment où l'histoire débute, hein, et va rendre visite à Adanoff, puis à partir des indications de ce savant, faire construire une maquette très très précise de la fusée, une maquette démontable, notamment du poste de pilotage, qui pourra être photographiée sous tous les angles. Donc voilà le genre de choses qu'il y a. Heuvelmans reste un complice important, même si Hergé a décidé de ne pas utiliser le scénario qu'il avait fait avec Van Melkebeck, de développer son propre scénario, il a besoin régulièrement d'informations. Et donc, comment la fusée peut-elle se retourner ? À quoi ressemblerait un doc autour du satellite Adonis, etc. Évidemment, Heuvelmans donne des informations de 1950, de 1951, mais il est frappant dans les courriers échangés, j'ai pu consulter, de voir par exemple « SOS, j'ai besoin dans les 2 jours de ceci, de cela, etc. » Parfois, Heuvelmans, qui vit à l'époque à Paris, revient à Bruxelles à un entretien avec Hergé, d'autres fois répond par lettre brièvement. Il y a donc un souci d'authenticité, de crédibilité, qui est complètement neuf dans la bande dessinée de l'époque, mais qui sera une des marques de fabrique du journal Tintin. Quand Jacobs, à peu près au même moment, se met à faire le mystère de la Grande Pyramide, il va non seulement visiter les musées, visiter les collections égyptiennes, mais demande à rencontrer les conservateurs, est très fier d'être reçu, lit un certain nombre de livres, et là aussi, quand vous lisez le mystère de la Grande Pyramide, vous vous dites quand même quel respect du public. Et peut-être que de vocation d'égyptologue, d'ethnologue, d'archiviste, de reporter, que de vocation ça a pu faire naître. Et je suis persuadé que Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont fait naître des vocations de scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes dans les cas les plus chanceux. Ce sont vraiment des gens qui, à ce moment-là, dans cette après-guerre qui commence au fond en 1950, hein, parce que pour la Belgique et la France, jusqu'en 47, 48, 49, on est encore dans les privations, les difficultés, l'absence de projet. Et tout d'un coup, démarre quelque chose. Et la bande dessinée, elle est porteuse de ce désir d'avenir. Elle est porteuse de cette idée des lendemains meilleurs qu'on appellera beaucoup plus tard les 30 Glorieuses. Et c'est pour les enfants et les adolescents qui vivent dans une société encore assez étouffée, un peu triste, avec ses collèges religieux, les familles assez traditionnelles et contraignantes, c'est l'idée d'un élan vers le monde adulte, quoi, d'un devenir possible pour eux, de quelque chose qui sera meilleur. Hergé, Jacobs, Franquin, puisque les journaux Tintin et Spirou sont très complémentaires, ils participent de cela. Quand Franquin montre des petites voitures japonaises, des mobilettes, même Gaston, qui est un personnage apparu en 57, mais qui est pré-68 par certains côtés, tout ça est porteur de quelque chose que peut-être l'environnement quotidien ne leur donnait pas. Et ces bandes dessinées qui paraissent dans des journaux qui semblent comme ça, bien respectables et bien recevables, qui sont admis dans les collèges et par les parents, même dans les familles conservatrices, contiennent en eux quelque chose de subversif à sa façon. Madame Peters, la science-fiction fait largement partie du cinéma dans les années 50. J'ai cru lire dans vos lignes que Hergé n'était pas forcément un grand amateur de théâtre ou de cinéma. Lecteur, ça, à l'évidence, il l'était. Mais à votre connaissance, s'est-il quand même un peu nourri du cinéma de science-fiction qui venait notamment des États-Unis et traitait ces sujets de science-fiction? Alors, Hergé a puisé son bien un peu partout, hein, dans des revues comme le National Geographic, comme dans des romans, comme certainement au cinéma. Il est vrai qu'il dit toujours, et sa première femme, Germaine, me disait avec insistance qu'il n'allait pas au cinéma. Il y est allé beaucoup dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse. Je pense qu'il a vu, par exemple, La femme dans la lune de Fritz Lang. Il a vu du Méliès, forcément. Il a vu forcément du Méliès. Mais dans les années 30, 40, 50, qu'a-t-il vu ? Pas tant de choses. Et après, il a davantage vu les films à la télévision. Je me souviens, dans ma première interview, je lui parlais d'Hitchcock, où il y avait des similitudes qui me frappaient. Et il disait ou faisait mine de ne pas avoir vu les 39 marches, par exemple, avant d'avoir fait L'île noire, ce qui semble bizarre. Il y a pourtant une explication possible, c'est que, étant pendant plusieurs années à la rédaction du journal Le XXe siècle, puis pendant la guerre à la rédaction du journal Le Soir, il avait accès à la photothèque. Et beaucoup de photos de films étaient stockées dans les archives de ces journaux, et c'est souvent plus à travers des photos de films, qu'il ait vu le film ou non, mais souvent qu'il n'avait pas vu. Par exemple, il y a des traces dans le Lotus Bleu, assez frappantes, assez flagrantes, de détails, et une photo, évidemment, peut s'imprimer plus fortement dans la tête d'un dessinateur. Mais ça pouvait aussi être des illustrations, parfois d'un genre tout à fait différent du sien, où un élément le frappe. Il y a un exemple assez fameux au début du Trésor de Rackham le Rouge, où on voit le bric-à-brac d'un brocanteur, c'est là où ils vont trouver le scaphandre, et bien on retrouve une caricature dans un journal allemand avec un bric-à-brac et un personnage qui ressemble pas mal à ce marchand, mais dessiné tout à fait autrement, dans un tout autre style. Et il y a aussi une mémoire visuelle très très forte d'Hergé, donc des choses entrevues ont pu vraiment le frapper. Maintenant, je pense que les revues scientifiques, les photographies prises à la surface de la Lune avec des télescopes, etc., ont probablement joué un rôle plus déterminant, et là je trouve que la représentation de la Lune reste particulièrement forte et crédible. Et il y a un petit miracle de ce double album Objectif Lune et On a marché sur la Lune, c'est qu'évidemment il a émerveillé les enfants qui l'ont suivi, et c'est normal qu'il les ait frappés. C'était quelque chose de totalement neuf. Mais que des enfants d'aujourd'hui qui ont vu et revu les images de la NASA, qui savent comment l'homme est vraiment allé sur la Lune, à quoi ça ressemblait, ça ressemblait pas à la fusée à carreaux rouges et blancs de Tintin, qu'ils puissent encore le lire, c'est bien le signe qu'il y a dans l'histoire quelque chose de si prenant, de si vrai. Il y a une telle absence de détails ridicules que finalement, on a beau avoir vu les images un peu grises et floues d'Armstrong et consorts, quand on lit Tintin, on est vraiment sur la Lune avec lui. L'album, de ce point de vue-là, 50 ans après l'exploit, n'a pas pris de coup de vieux. Or, beaucoup... On a la version couleur. Oui. avec Tintin. On a la version couleur et on a la version Linkler, on a une version nette où tout se voit, où un char se voit, se comprend. Et donc là, c'est vraiment une force de l'œuvre d'imagination, de l'œuvre documentée, de ne pas avoir été rendu caduque par la réalité, ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de films de science-fiction anciens qui nous font un peu rire, qui au mieux se voient au deuxième, au troisième, au quatrième degré, les costumes, etc. Bien sûr, les scaphandres de Tintin et ses compagnons ne sont pas du tout ceux qui ont été utilisés, mais je les trouve encore plausibles, je les trouve acceptables. Et peut-être le fait d'avoir réalisé cette maquette de la fusée, de l'avoir photographiée de manière si minutieuse, quand vous voyez Tintin, Haddock et Tournesol allongés sur leur drôle de couchette pour résister à la sensation du décollage, quand vous les voyez s'évanouir, vous avez vraiment peur pour eux. Vous n'avez pas envie du tout de prendre cela à la légère, de prendre ça au deuxième ou au troisième degré. Quand le médecin a un pronostic réservé sur Haddock tout à la fin, dont on a marché sur la lune et dit ah, cet homme avait beaucoup bu, etc. Bon, on a peur pour lui, on y croit, ce retour qui va très vite mais qui est très angoissant, le manque d'oxygène, enfin toutes ces choses, je trouve, alors bon évidemment moi qui l'ai lu depuis l'enfance, peut-être j'ai une tendresse particulière, mais je l'ai lu à des enfants et je n'ai pas l'impression qu'il n'ait pas vibré. Je crois qu'ils ont senti eux aussi la force de cette histoire. Mais c'est pareil quand on est chez les Incas, quand on est sur le bûcher, la scène de l'éclipse. On a beau aujourd'hui savoir que les Incas avaient des connaissances astronomiques qui auraient rendu cette scène impossible. Quand on le lit, on est vraiment pris, on y croit. Et c'est une des forces d'Hergé dans une œuvre qui mêle l'humour et l'aventure que d'avoir atteint ce niveau de crédibilité, que d'avoir fait des histoires qu'il faisait d'abord pour lui, avant de les faire pour un public. Ça, je crois que c'est très fort chez Hergé, c'est-à-dire pour ça qu'il n'y a pas de Tintin après la mort d'Hergé, qu'il y avait cette volonté qu'il n'y ait pas de nouvel album. C'est quelque chose qu'il a vraiment fait pour le lecteur qu'il aurait aimé être, et pas comme ça pour un public, pour les gosses. Non, c'est vraiment très respectueux. Voilà plus de 20 ans que je te raconte en images les aventures de Tintin, de Milou et de tous leurs compagnons, de Jo, de Zette et de Joko, de Quick et de Flupke. Mais si tous ces gaillards-là sont infatigables, je ne suis hélas pas comme eux. Est-ce que tu te rends compte de la somme de travail que représente un roman en images comme ceux qui paraissent dans ce journal ? Dis-toi que le dessinateur doit être à la fois et scénariste, et décorateur, et costumier, et dialoguiste, et même parfois acteur, n'est-ce pas, Edgar Jacobs ? Il lui faut aussi se documenter dans les livres, les revues, les hebdomadaires illustrés, et parfois même sur place. Imagine-toi ce que tout cela représente de recherche, de réflexion, de travail continu, et tu comprendras que le métier de romancier en images est un métier qui ne laisse aucun repos. La rotative est là, avec sa gueule béante, avide de papier à imprimer, bon gré, mal gré, grippé ou enrhumé, de bonne ou de mauvaise humeur, triste ou joyeux, il faut se mettre à sa table de travail. Le monstre exige sa pâture pour le lendemain midi. Tant pis, on passera sa nuit à travailler. Bon, eh bien, après 20 ans de ce régime, il vient un jour où l'organisme surmené crie « casse-cou ». Mais on ne l'écoute pas. C'est que l'histoire doit continuer. Les médecins vous déclarent « du repos, sinon je ne garantis plus rien ». On continue quand même. Et patatras, c'est l'effondrement. Benoît Peters, ben oui, on vient d'entendre Hergé s'excuser auprès de son lectorat en disant « Écoutez, ne m'en veuillez pas, mais l'encrier n'a pas suivi. » On peut en savoir un peu plus, là ? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires dans cette lettre. D'abord, une mythologie ancienne, c'est que les enfants ignoraient qu'il y avait un auteur. Souvent on dit, les enfants, ils connaissaient Tintin, ils connaissaient Astérix, ils connaissaient Gaston, mais ils ne savaient même pas qu'il y avait des auteurs. C'est pas vrai, énormément d'enfants à l'époque étaient attentifs au style graphique et savaient très bien qu'il y avait des personnalités derrière. Le journal Tintin les mettait régulièrement en scène. Hergé parle donc en son nom propre et il parle vrai aux enfants. Il ne fait pas une lettre d'excuse un peu comme ça, nunuche avec une... Non. C'est rarissime comme... C'est extraordinaire. Et en plus, prenant les enfants au sérieux, il va leur parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, qu'il appelle lui, en disant que c'est un mot pas très joli, la dépression nerveuse. Et il dit la vérité. Et il en profite pour dire quelque chose par-delà sa personne sur le métier. Que c'est un métier extrêmement dur, que ce que les enfants découvrent semaine après semaine est l'aboutissement d'un travail personnel et d'un travail d'équipe, d'une technicité qui a un mélange là d'imagination, d'art et d'artisanat. Je trouve que c'est des leçons formidables. Mais Hergé ne peut plus cacher les fragilités qui ont été les siennes. Le journal, les premiers temps, avait essayé d'habiller d'humour ces disparitions. Au moment de Au pays de l'or noir, on avait fait un grand concours, retrouver Hergé, Hergé a disparu, etc. Il avait lui-même dessiné une image que je trouve rétrospectivement, en sachant maintenant tout ce que je sais, que je trouve terrible. Il dessine une image où il est ramené, menotté par ses personnages. Fini de rire, mon garçon, au travail, etc. Mais quand vous savez que c'était la réalité, qu'on transpose dans les Dupont, Tournesol et les autres, les injonctions de Raymond Leblanc, d'Edgar Jacobs et de quelques autres qui craignent de voir le journal s'écrouler, on se dit, ben, Hergé a eu bien du courage de travestir sur le mode humoristique une vraie souffrance, une souffrance profonde, d'ailleurs qu'il reprendra à plusieurs reprises. Et là, ben, il lâche le morceau. Et l'histoire s'était interrompue très étrangement, puisque on a eu à un moment une chute de Tintin, il est blessé, et puis il est marqué « fin de la première partie ». Il n'y a absolument pas de fin de la première partie, il n'y a absolument pas de première partie. Ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de planches. Ça s'arrête parce qu'Hergé ne peut pas dessiner les planches suivantes. Et là, il y a dans cette période à la fois le besoin de se soigner, la machine mise en place avec les studios naissants n'a même pas suffi, et certainement aussi le besoin de se documenter plus avant, car il s'est lancé un peu vite, car il n'est pas tout à fait prêt, car il a peur que les planches ne sont pas à la hauteur. Donc je crois que c'est vraiment deux choses. Il y a un aspect intime qui reviendra au moment de Tintin au Tibet, dont on sait qu'Hergé a vraiment une nouvelle grande crise dépressive, qui est une crise sentimentale en même temps. Il est rongé par le doute au moment de quitter sa première femme, il est amoureux, il va consulter un psychanalyste à Zurich, donc il y a cette fragilité. D'où le blanc du Tibet. Le blanc du Tibet, qui est celui des rêves d'Hergé à cette époque, qui entre directement. C'est pour ça que je dis, comme titre de ma biographie, que Hergé est le fils de Tintin. Le père de Tintin, ça nous donne un peu le sentiment d'un marionnettiste, quoi, quelqu'un qui maîtriserait les choses. Mais au fond, Tintin coïncide avec sa vie et parfois Tintin est comme en avance sur lui. Et par exemple, c'est à travers Tintin au Tibet que Hergé va résoudre la crise qu'il vit en allant plus loin dans l'émotion, dans la capacité de restituer l'émotion, alors que le psychanalyste, le docteur Ricklin, lui avait dit « Vous devez vous reconstruire et pour vous reconstruire, il faut arrêter votre travail. » Il y a chez Hergé une façon presque de compter sur Tintin pour le devancer, pour l'éclairer. Et puis si Hergé a tant lu, s'il est devenu si curieux de tant de choses, c'est aussi parce que Tintin l'a amené, bon, par exemple, on revient à la Lune, à se documenter scientifiquement, lui qui avait fait des études secondaires assez médiocres et certainement avec des connaissances scientifiques très très rudimentaires. Tintin l'a nourri. Mais oui, Tintin l'a nourri. Quand Hergé dit cette phrase que j'ai citée en exergue à ma biographie, si je vous disais que dans Tintin j'ai mis toute ma vie, je crois qu'il faut entendre cette phrase, non pas du tout comme rhétorique, mais dans toute sa force. Oui, il a mis toute sa vie. C'était, chaque album est un vrai engagement. Alors aujourd'hui, où nous considérons l'œuvre d'Hergé comme l'égale de grandes œuvres du siècle, ben je veux dire, on peut dire, prendre Hergé, Simenon, Brel, on ne va pas établir de hiérarchie. Ce sont trois personnes qui ont travaillé dans des arts dits mineurs, mais qui ont fait des œuvres majeures. Mais à l'époque, ce n'était pas considéré comme ça. À l'époque, quand il rencontrait des gens dans un dîner en ville, un cocktail, on lui disait « Alors vous faites toujours vos petits Mickey ? Et à part ça, qu'est-ce que vous faites ?» Les gens ne le comprenaient pas. Même si les gosses avaient l'amour de Tintin, ça restait quand même... Je crois même pas qu'on aurait parlé d'art mineur, pour être franc. On n'aurait pas parlé d'art tout court. On aurait parlé de divertissement. On aurait dit oh, bravo pour le succès. On aurait parlé de commerce. Paris Match, à un moment, dit le Belge qui fait peur à Walt Disney, ce qui est quand même un peu exagéré. Mais personne ne le considère comme un grand auteur. Aujourd'hui, Hergé est mort. Ceux qui ont grandi avec son œuvre dans plusieurs générations lui ont rendu hommage. Des Pierre Fresno-Deruel, des Pierre Sterckx, des Serge Tisseron, des Jean-Marie Apostolides et bien d'autres ont payé leurs dettes à l'égard de cette œuvre, l'ont interprétée, se sont intéressés au dessin, au thème, au contenu symbolique. Parfois, on a poussé même les choses un peu loin. Il y a plus de 400 bouquins qui sont parus sur Hergé. Tous ne sont pas peut-être des modèles de justesse, mais ils attestent d'une forme de ferveur. Mais Hergé n'a rien connu de tout ça. Et moi, quand je venais le voir en 77 et que je lui demandais avec une forme de naïveté, mais pourquoi ça dure ? Pourquoi cette œuvre créée en Belgique en 1929 et dessinée encore de manière toute simple, pourquoi elle est toujours là, pourquoi elle est traduite ? Il disait, mais moi, je ne sais pas, c'est à des gens comme vous de chercher la réponse. Et oui, au fil des ans, j'ai cherché des morceaux de réponse. D'autres ont cherché des morceaux de réponse et nous n'avons pas épuisé l'œuvre. Elle a quelque chose qui résiste aux interprétations. Les interprétations se succèdent, s'ajoutent. On a fait des lectures historiques, politiques, psychanalytiques et tout ça est juste. Michel Serres a écrit de magnifiques textes sur Hergé, mais aucun de nous n'a vraiment compris comment ce petit jeune homme, sorti de nulle part, ayant grandi dans un milieu plutôt étriqué, avec des idées ultra-conservatrices, dans des journaux pas grandioses, comment il a accompli ce chemin qui mène de Tintin au pays des Soviets, au bijou de la Castafiore. Comment il a fait ses révolutions intérieures. Il y a bien sûr le talent. Et les talents d'Hergé qui sont multiples, mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'intime, de fort, qui est lié à l'implication, qui est lié probablement à l'appui sur une forme d'inconscient, parce que les rêves, les fantasmes sont très très puissants chez Hergé, dans une représentation assez riche du monde dans sa diversité, y compris dans ses côtés noirs, l'alcoolisme d'Hanok. Surtout au départ, dans le crabe aux pinces d'or, n'est pas un alcoolisme pour rire, c'est un alcoolisme qui fait peur, c'est un être destructeur. Il met le feu au radeau, enfin la barque sur laquelle Tintin l'a emmené, il va les faire périr tous les deux dans l'avion qui les emmène au-dessus du désert, il veut prendre les commandes, il frappe le pilote, c'est un être pitoyable. Il y a des rêves où Tintin a peur d'être débouché comme une bouteille, paradoxe. Eh bien, il fait entrer ce monde dans des journaux pour enfants. C'est quelque chose de très fort. On ne se représente plus quelquefois. Parfois, les parents, peut-être, ne lisent pas ce que leurs enfants lisent et qui les émerveille. Il y a une représentation du monde qui n'est pas une représentation enjolivée. Hergé n'a pas eu une enfance heureuse. J'ai l'hypothèse que j'évoque, mais avec une certaine prudence, dans Hergé, fils de Tintin, qui est que Hergé a été abusé par un de ses oncles à plusieurs reprises pendant son adolescence. Il y a en tout cas une blessure d'enfance, il y a aussi la folie et la mélancolie de sa mère. Avec toutes ces choses, Hergé va bâtir une œuvre autour d'une sorte d'orphelin étrange qu'est Tintin, de personnages dont on ne sait finalement rien au départ et dont le monde va s'enrichir et se peupler peu à peu. Tintin, ce n'est pas seulement ce petit personnage qui court, qui s'élance, qui est courageux, qui est compétent. C'est aussi tout le monde autour de lui qui est comme la projection de ce qu'il est et qui le construit comme Hergé s'est construit. Il y a là des choses très étranges. Hergé, lorsqu'on l'interrogeait sur ce Tintin sans vrai nom, sans vrai prénom, sans famille, sans petit ami, sans désir de se prolonger, pas d'enfant, enfin ce Tintin qui n'a pas d'âge et qui a tous les âges, il citait ce mot de Jules Renard. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Mais c'est un mot terrible quand vous le voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hergé nous raconte à ce moment? Qu'est-ce qu'il raconte aux enfants qui disent, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Jean-Marie Apostolides a employé, à propos de Tintin, un mot très très beau, qui est celui de surenfant. Le surenfant, c'est pas le surhomme nietzschéen, c'est pas le super-héros américain. Tintin n'est ni Batman, ni Superman. Il n'a pas de super-pouvoir, mais il y a en lui quelque chose qui allie, comme presque nulle part, l'enfance et l'âge adulte en esquivant l'adolescence. Ça, je pense que c'est une des clés de Tintin, c'est donner à l'enfant un accès au monde adulte en évitant la zone trouble et difficile de l'adolescence, qui est le grand non-dit de Tintin. Tintin a l'âge d'un adolescent, mais il a toutes les caractéristiques. Il a peut-être de l'adolescent, l'intrépidité, le goût du risque. Mais sinon, il ne connaît pas la sexualité. Il ne connaît pas pendant longtemps l'angoisse, il n'a aucun compte à régler avec une parentèle puisqu'il n'en a pas. Il est la liberté, la compétence, il est ce dont un enfant peut rêver, c'est-à-dire au fond avoir absorbé tout le contenu de l'école, et quelle école, et même l'université, sans en avoir traversé les pesanteurs et les duretés, avoir intégré les règles, c'est-à-dire être capable de se comporter à la fois avec compétence et avec loyauté dans le monde, mais n'avoir personne qui lui rappelle ses règles. C'est au contraire lui qui quelquefois les rappelle à son entourage. Il y a là des choses qui font partie de l'inconscient d'Hergé. On pourrait appeler ça aussi son génie.